recommencer. Tu sais comment c'est, mais j'aimerais t'énoncer quelques vérités sans les romancer. Le vice ne sévit pas qu'à Las Vegas. La frontière s'amincit tous les deux jours entre lave et glace. Les faux pas sont traqués, les succès sont truqués, les cœurs sont étriqués, les valeurs sont troquées. Croire en l'homme ne permet plus de croire en Dieu. Quand c'est chacun pour sa pomme, plus personne ne coupe la poire en deux. Pour un peu d'oseille, on peut saigner sans fin. Course à la richesse en vain, vu qu'on part de ce système sans gain. Les hommes perdent la raison dès que le cash part. Les sortent les matraques et les calages dès que le clash part. On a trop peur de perdre, à force de viser le statut. Beaucoup d'honnêtes individus développent un cœur de pierre. C'est plutôt moche d'avoir une dent contre tout l'univers. Ils ont les crocs mais ne mordront que la poussière. Trop de blessures dorsales, les chefs d'état font des entorses au règlement. Puis s'étonnent de la fracture sociale. Vous ne comprenez pas quand toute la terre se plaint de vous. Rappelez-vous bien qu'on ne lave pas son honneur avec des bains de foule. On nous informe qu'il faudrait parler moins fort. Mais les forces de l'ordre aiment faire parler l'ordre de la force. Ils se disent contraints. J'aimerais les croire mais rien n'excusera jamais le fait qu'ils attaquent à 10 contre 1. Pour un domaine on se tombe de ce genre domino. Le genre humain veut dominer, contracter ses abdominaux. Pourquoi le dire à demi-mot? Ce monde est peuplé d'animaux. Les cœurs sont presque tous atrophiés comme la nageoire de Nemo. L'innocence est rarement présumée. C'est sur la bienveillance des gens que l'on devrait zoomer. Mais les liens ne peuvent plus passer quand les ponts se coupent. On est dans l'espionnage, obsédé par la quête effrénée des bons scoops. Les rapports humains sont souvent décevants. Les déviants traitent les femmes comme de la viande décevante. J'ai de la peine pour cette étrange nation. Ses habitants montrent moins de respect pour les sages-femmes que pour les méchants garçons. Chaque semaine on bat des records d'apnée. Tu veux vite un corps d'athlète alors tu creuses encore ta dette. Sans mettre d'accord ta tête et ton esprit tira nulle part. Le sprint est illusoire, pourquoi toujours convoiter le décor d'après? On voudrait voir plus clair, trop d'erreurs. Mais les verres que t'enfiles tous les soirs ne sont pas des verres correcteurs. La route vers l'enfer est nette et goudronnée. Certains jettent de la poudre aux yeux puis s'envoient de la poudre au nez. L'homme en veut plus, quelles que soient les circonstances. On veut la jeunesse éternelle et le plaisir constant. La démence nous encercle en permanence et c'est la pire chose. Les facteurs de folie sont tels qu'ils me font rire jaune. Tout est construit sur du vent, c'est pourtant clair. Les courants de pensée sont vides, je vois surtout des courants d'air. On fait passer des inepties pour l'invention du millénaire. Et le règne du bullshit des riches de nouveaux millionnaires. Que dire de tous ces phénomènes? On déplore la canicule alors qu'à l'évidence on allume tous les feux nous-mêmes. Écriture inclusive mais les actions ne le sont pas. Donc ne t'étonne pas qu'on fuit quand les donneurs de leçons parlent. Les doigts s'agitent et se débattent sur l'AZERTY. La toile est inondée, pourtant les âmes sont désertiques. Je ne vois qu'amertume et rancœur. Les internautes commettent le bel exploit de faire la fine bouche et d'être grande gueule. Qu'on se le dise, les comparaisons nous tuent. Comment se penser libre en menottant son existence aux chaînes YouTube? On veut la vie des stars, on veut le même salaire. C'est l'ère de l'écran total, mais sans crème solaire. Le succès c'est d'avoir son propre code promo. Promis t'auras des followers en 5 minutes top chrono. Trop naïf de croire qu'on peut percer sans triche. Les influenceurs qui manipulent des jeunes sans repère se sentent riches. On peine à faire des phrases normales, sujet verbe. Étouffe bien tes émotions sous peine d'être jugé faible. On a fait des grands pas, mais la vie manque de relief à travers les écrans plats. Solitude classique, à force de jeter toutes ces bouteilles à la mer, l'homme a fait naître des îles de plastique. C'est aberrant qu'on ait compris les indices stars. Nos enfants découvriront la banquise dans les bouquins d'histoire. Mon sens glace à la lecture des faits divers. Les passeurs mènent en bateau des familles, même en plein hiver. La trêve est rare comme un JT sans drame. Pourtant pas besoin d'être geek pour avoir envie de prôner l'unité centrale. L'être humain manteau, cause des troubles mentaux. J'ai pris des vestes à chaque fois qu'il a retourné son manteau. Commande passe à l'armée d'avoir l'armée pour faire de lance. On aime se faire violence mais sans jamais se faire violence. Face à la vérité je doute qu'on soit censé nier. L'apprentissage ne pourra pas s'accomplir sans saigner. Les bons messages ne sont pas tous enseignés. Puisqu'aujourd'hui celui qui prône le sens et la reconnaissance est nié. La qualité n'a pas pu lutter bien longtemps contre le matraquage. Mais je refuse encore qu'on puisse me mettre en cage. Utopiste, j'aimerais croire en mes idées. J'admets qu'il faut de bons réflexes pour éviter les mauvais clichés. Tellement de constats, tellement d'autres choses à dire. Tellement de maladies graves, tellement de traumatismes. Mais je constate que j'intéresse peu mes congénères. Quand j'écris des textes où je me plains des dégâts congénères. C'est que des faits divers. C'est que des faits divers. C'est que des faits divers. C'est que des faits divers. C'est que des faits divers.